Absolument. Je comprends parfaitement votre besoin d'avoir l'intégralité du texte pour le convertir en audio et pour les validations externes. Mon objectif est de vous faciliter la tâche. Astérisque, astérisque, je vais donc compiler ici l'ensemble de l'ouvrage que nous avons co-créé jusqu'à présent, dans l'ordre chronologique des parties et chapitres astérisque, astérisque. Je ferai un effort particulier pour la présentation afin que ce soit le plus clair et facile à copier et coller pour votre outil audio. Concernant l'image, je comprends tout à fait. Je vais vous générer une nouvelle image de couverture sans cette ligne de texte que vous pourrez compléter avec votre logiciel d'image. ~ récapitulatif complet de l'ouvrage, version texte intégrale pour audio et révision, ~. Livre 1, le parcours d'Ousmane Sonko et la quête de souveraineté du Sénégal, ~. ~. Partie, la jeunesse des tensions, l'ascension d'un opposant, 2014 à 2020, ~. Introduction, le contexte d'une montée en puissance, ~. En 2014, le Sénégal, souvent cité comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, amorce une période de profonde mutation politique. L'arrivée au pouvoir de Macky Sall en 2012 avait suscité de grands espoirs, mais les années qui suivirent furent marquées par des frustrations croissantes face à la gouvernance, à la corruption perçue et à un sentiment de déconnexion entre les élites et une jeunesse de plus en plus exigeante. C'est dans ce terreau fertile que va éclore et s'épanouir une nouvelle force politique, incarnée par un homme, Ousmane Sonko. Sonko, alors inspecteur des impôts et domaines, va émerger progressivement comme une figure singulière, un opposant de type nouveau, dont le discours et la méthode bousculent les codes établis. Son ascension n'est pas le fruit d'un hasard, mais la conséquence d'une conjonction de facteurs, une éducation solide, un positionnement idéologique clair, un talent oratoire indéniable et une capacité à capter l'air du temps d'une jeunesse en quête de repères et de changements. Cette première partie explorera les fondations de cette ascension. Elle analysera le profil d'Ousmane Sonko, détaillera la genèse de son engagement politique, la création de son parti, le PASTEF, et la manière dont il a su, dès les élections législatives de 2017, s'imposer comme une alternative crédible, posant les bases de sa candidature à la présidentielle de 2019 et du bouleversement politique à venir. ~. Le profil d'Ousmane Sonko, un inspecteur des impôts en politique ~. Formation et carrière professionnelle, l'exigence d'intégrité ~. Ousmane Sonko n'est pas issu du sérail politique traditionnel sénégalais, ni d'une grande famille maraboutique ou d'une lignée d'hommes d'affaires influents. Son parcours est celui d'un républicain, formé au sein des institutions de l'État, une caractéristique qui forgera une grande partie de son discours et de son image publique. Né en 1974 à Thiès, il effectue sa scolarité dans diverses régions du Sénégal, reflet d'une enfance passée à suivre les affectations de son père gendarme. Cette mobilité géographique lui confère très tôt une connaissance intime des réalités du pays et une capacité à s'adapter à des contextes sociaux variés. Sonko intègre l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal, filière impôts et domaines, où il se distingue par son intellect et son intégrité. Diplômé, il entame une carrière d'inspecteur des impôts et domaines, un métier qui le place au cœur des mécanismes financiers de l'État et lui offre une compréhension approfondie des rouages économiques, mais aussi des failles et des zones d'ombre de la gouvernance. C'est durant cette période qu'il acquiert une expertise reconnue en matière de fiscalité, de gestion du patrimoine de l'État et de lutte contre la corruption. Il devient rapidement une figure respectée au sein de son corps, ce qui le poussera à fonder et diriger le syndicat autonome des inspecteurs des impôts et des domaines, SAID. Cette carrière, marqué par une rigueur professionnelle et un sens éthique aiguisé, est le terreau de son engagement. Sonko se positionne très tôt comme un pourfendeur de l'injustice et de la gabegie, des qualités qui, paradoxalement, le mettront en conflit avec une administration qu'il finira par dénoncer ouvertement. ~. Le déclic de l'engagement politique, du syndicalisme à l'opposition ~. Le passage d'Ousmane Sonko de la fonction publique à l'arène politique n'est pas un basculement subi, mais l'aboutissement d'une prise de conscience progressive et d'une frustration grandissante face aux dérives qu'il observe de l'intérieur de l'État. C'est son rôle de syndicaliste, à la tête du SAID, qui lui offre une première tribune et un premier espace de contestation. Au sein du syndicat, Sonko s'illustre par sa défense acharnée de l'intégrité de l'administration, la dénonciation des pratiques clientélistes et des conflits d'intérêts, et son opposition ferme à certaines décisions gouvernementales qu'il estime contraires aux intérêts nationaux. sa notoriété grandit lorsqu'il met en lumière des scandales potentiels de malversation financière et de mauvaise gestion des ressources publiques, notamment dans le secteur des industries extractives. Ses rapports et ses interventions syndicales, bien documentés et audacieux, commencent à irriter le pouvoir en place. En 2016, cette posture de franc-tireur conduit à une confrontation directe avec l'État. Suite à la publication d'un rapport dénonçant des irrégularités dans le secteur pétrolier et gazier, et son refus de garder le silence face à ce qu'il considère comme des menaces sur la souveraineté économique du pays, Ousmane Sonko est radié de la fonction publique. Cette radiation, perçue par beaucoup comme une tentative d'intimidation et de musellement, va paradoxalement sceller son destin politique. Loin de le faire taire, elle le libère du devoir de réserver le propulse définitivement dans l'arène politique. Son sacrifice professionnel est interprété par une partie de l'opinion comme la preuve de son intégrité et de son courage, transformant une sanction administrative en un acte fondateur de son parcours d'opposant. Le syndicaliste intègre devient alors le leader politique. Astérisque astérisque 2. Le projet idéologique, panafricanisme, souveraineté et rupture astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. La rupture avec le système, le panafricanisme comme pilier astérisque astérisque. Le socle idéologique d'Ousmane Sonko, et par extension de son mouvement, se construit autour de la notion de astérisque astérisque rupture astérisque astérisque avec un système jugé corrompu et clientéliste, et d'une vision forte de la astérisque astérisque souveraineté nationale et panafricaine astérisque astérisque. Cette rupture ne se limite pas à un simple changement de personnel politique, elle vise une transformation profonde des structures de pouvoir et des mentalités. Au cœur de cette idéologie, le astérisque astérisque panafricanisme astérisque astérisque occupe une place prépondérante. Loin d'être un concept abstrait, il est pour Sonko une doctrine concrète qui doit guider l'action publique. Il s'inspire des pères fondateurs des indépendances africaines, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, et de leur combat pour une Afrique maîtresse de son destin. Pour Sonko, l'indépendance politique n'est qu'un prélude à l'indépendance économique, monétaire et culturelle. Il dénonce avec vigueur la néocolonisation qui, selon lui, maintient les États africains sous la tutelle de puissances étrangères et d'institutions internationales. Cette vision panafricaniste se traduit par plusieurs axes, la nécessité d'une mutualisation des forces africaines pour faire face aux défis globaux, le renforcement de la coopération sud-sud, et la promotion d'une fierté identitaire africaine. Il appelle à une réappropriation des ressources naturelles, pétrole, gaz, pêche, terres arables, des leviers monétaires, critique virulente du franc CFA, et des outils de développement, afin que l'Afrique puisse enfin se développer par elle-même et pour elle-même. Astérisque astérisque astérisque B. Les thèmes clés du discours, anticorruption, justice sociale et jeunesse astérisque astérisque. Le discours d'Ousmane Sonko est structuré autour de thèmes récurrents qui résonnent profondément avec les aspirations et les frustrations des populations, en particulier de la jeunesse sénégalaise. 1. Astérisque astérisque l'anticorruption, astérisque astérisque c'est le cheval de bataille par excellence de Sonko. Fort de son expérience d'inspecteur des impôts, il dénonce sans relâche la gabegie, les malversations financières, les enrichissements illicites et les conflits d'intérêts au sommet de l'État. Il promet une gouvernance transparente et éthique, où les deniers publics seraient gérés avec rigueur et au service de l'intérêt général. Ses révélations sur les contrats pétroliers et gaziers, Petrotim, ont particulièrement marqué les esprits, illustrant sa capacité à documenter ses accusations. 2. Astérisque astérisque la justice sociale, astérisque astérisque Sonko critique vivement les inégalités croissantes et la précarité qui touchent une grande partie de la population. Il propose des politiques de redistribution des richesses, un accès équitable aux services publics, éducation, santé, et des programmes ambitieux pour l'emploi des jeunes. Son discours est résolument tourné vers les couches populaires et les exclus du système, qui se reconnaissent dans son engagement pour un Sénégal plus juste. 3. Astérisque astérisque la jeunesse, astérisque astérisque la jeunesse est au cœur de son projet et de son électorat. Sonko parle leur langage, utilise les réseaux sociaux avec agilité, et propose des solutions concrètes à leurs préoccupations, chômage, manque de perspective. Il incarne l'espoir d'une nouvelle génération politique, libre des compromissions du passé et déterminée à prendre son destin en main. Il promet de donner à la jeunesse les moyens de construire le Sénégal de demain. 4. Astérisque astérisque la souveraineté économique, astérisque astérisque en plus de la pêche et des hydrocarbures, il aborde des sujets comme la renégociation des contrats miniers, la valorisation des ressources agricoles, et la maîtrise de la chaîne de valeur pour que le Sénégal et les Africains tirent pleinement profit de leurs richesses. Astérisque astérisque II. La création du PASTEF et l'émergence sur la scène politique astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque. La naissance d'un parti, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité astérisque astérisque. La radiation d'Ousmane Sonko de la fonction publique en 2016 a été le catalyseur direct de la création de son parti politique. Convaincu que les réformes de l'intérieur de l'administration étaient insuffisantes et que seul un engagement politique structuré pouvait apporter le changement souhaité, il fonde le PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le nom du parti est en soi un manifeste idéologique. Astérisque astérisque astérisque Patriotes africains, astérisque astérisque ancre le mouvement dans une vision panafricaniste forte, soulignant l'identité et la fierté africaine, et l'attachement aux intérêts du continent. Astérisque astérisque astérisque Sénégal, astérisque astérisque affirme l'ancrage national et la primauté des intérêts du pays. Astérisque astérisque astérisque travail, astérisque astérisque met en avant l'importance de l'effort, de la production et du développement économique endogène. Astérisque astérisque astérisque éthique, astérisque astérisque référence directe à la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance, un pilier de l'image de Sonko. Astérisque astérisque astérisque fraternité, astérisque astérisque souligne l'unité nationale et la cohésion sociale, souvent mise à mal par les clivages politiques et sociaux. Le PASTEF se positionne comme un parti de rupture, proposant une alternative radicale aux formations politiques traditionnelles, souvent perçues comme usées par le pouvoir ou trop compromises. Sonko s'entoure rapidement d'une équipe de jeunes intellectuels, de professionnels intègres et de militants engagés, partageant sa vision et son exigence d'une autre politique. Astérisque astérisque astérisque B. Les élections législatives de 2017, une entrée remarquée astérisque astérisque. Les élections législatives de juillet 2017 ont constitué le véritable baptême du feu et la première opportunité pour le PASTEF de tester son ancrage populaire. Malgré les ressources limitées face aux machines électorales bien huilées des partis traditionnels, Ousmane Sonko et son mouvement ont mené une campagne de terrain intense, axée sur le contact direct avec les populations et une utilisation novatrice des réseaux sociaux pour diffuser leurs messages. Le résultat fut une entrée remarquée sur la scène politique nationale. Ousmane Sonko est élu député à l'Assemblée nationale, devenant ainsi le seul représentant du PASTEF au Parlement. Bien que minoritaire, cette victoire est hautement symbolique. Elle lui offre une tribune officielle pour porter ses critiques contre le gouvernement, dénoncer la corruption et proposer des lois conformes à son projet. À l'Assemblée, Sonko se montre pugnace, brillant orateur, capable de débattre avec les ténors du pouvoir et de mettre en difficulté le gouvernement par ses interventions documentées et ses questions incisives. Son rôle de seul contre tous renforce son image de chevalier blanc et de défenseur du peuple. Il utilise sa nouvelle plateforme pour continuer à éclairer les dossiers sensibles, ressources naturelles, gestion des fonds publics, consolidant ainsi sa popularité et sa crédibilité auprès d'une opinion publique lassée des compromissions. Cette élection de 2017 marque le début de la véritable ascension d'Ousmane Sonko, le positionnant comme un acteur incontournable pour la prochaine échéance majeure, la présidentielle de 2019. Dies astérisque astérisque partie 2, l'ascension fulgurante et la confrontation, 2019 à 2020, astérisque astérisque. Astérisque astérisque introduction, le défi au pouvoir en place astérisque astérisque. Après une entrée remarquée à l'Assemblée nationale en 2017, Ousmane Sonko n'est plus un simple syndicaliste radicalisé, mais une figure politique montante, dont la popularité ne cesse de croître. Son discours anti-système, axé sur l'anticorruption, la souveraineté et la justice sociale trouvent un écho particulier auprès de la jeunesse et des classes populaires. La présidentielle de 2019 devient l'objectif majeur, un tournant où il va directement défier le pouvoir en place, incarné par le président Macky Sall. Cette période marque non seulement l'apogée de son ascension politique, mais aussi le début d'une confrontation inévitable avec un régime décidé à neutraliser une opposition jugée trop incisive et populaire. Cette partie analysera la campagne présidentielle de 2019, les résultats obtenus par Sonko, et les prémices d'une stratégie de confrontation de la part du pouvoir qui allait marquer durablement le paysage politique sénégalais. Astérisque astérisque. La présidentielle de 2019, le révélateur d'un leader astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque. La campagne électorale, un discours de rupture astérisque astérisque. La campagne présidentielle de 2019 a été une étape déterminante dans l'affirmation d'Ousmane Sonko comme une force politique majeure au Sénégal. Malgré les obstacles financiers et logistiques inhérents à un jeune parti, le PASTEF a mené une campagne dynamique et innovante, porté par l'énergie de son leader et l'engagement de milliers de militants, majoritairement jeunes. Sunko a parcouru le pays, mobilisant des foules impressionnantes, notamment dans les grandes villes et les bastions traditionnels de l'opposition. Son discours de rupture, déjà rodé, s'est intensifié. Il a continué de dénoncer avec virulence la mauvaise gouvernance, la corruption endémique, les accords de pêche et les contrats pétroliers et gaziers jugés désavantageux pour le Sénégal. Son slogan Jub, Jubal, Fagal, être juste, rendre juste, faire justice, a résonné comme un appel à la moralisation de la vie publique et à la restauration de la dignité nationale. Il a su capter les aspirations d'une jeunesse confrontée au chômage et au manque de perspectives, leur offrant une vision d'un Sénégal souverain, capable de prendre en main son propre développement. L'utilisation stratégique des réseaux sociaux, où Sunko et ses équipes excellaient, a permis de contourner les médias traditionnels, souvent accusés de partialité, et de toucher directement un électorat jeune et connecté. Cette campagne a révélé non seulement l'aura d'Ousmane Sonko, mais aussi la force de frappe d'un mouvement populaire en pleine ébullition. *B. Le score électoral, une confirmation inattendue Le scrutin présidentiel du 24 février 2019 a confirmé l'ascension spectaculaire d'Ousmane Sonko. Contre toute attente pour un nouveau venu sur la scène présidentielle, il a obtenu un score de *15.67% des voix se classant troisième derrière le président sortant Macky Sall, 58.27%, et l'ancien premier ministre Idrissa Seck, 20.51%. Ce résultat, bien qu'insuffisant pour atteindre le second tour, est une véritable performance politique. Il a surpassé des figures de l'opposition plus aguerries et mieux implantées, et a démontré un ancrage populaire solide, particulièrement dans la région de Dakar et auprès des jeunes électeurs. Ce score n'était pas un simple pourcentage, il était le signal d'une nouvelle force politique avec laquelle il faudrait désormais compter. La présidentielle de 2019 a transformé Ousmane Sonko en un véritable challenger, un troisième homme capable de fédérer une contestation grandissante. Ce résultat a non seulement légitimé sa position de leader de l'opposition, mais a également renforcé son sentiment que la victoire était à portée de main lors des prochaines échéances, à condition de maintenir la pression et de continuer à dénoncer les travers du système. Ce fut le point de départ d'une confrontation inévitable avec un pouvoir qui ne pouvait plus ignorer l'onde de choc Sonko. *2. La confrontation avec le régime, les prémices de la répression *. Le guindé politique, une voie incontournable *. Après la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko est devenu bien plus qu'un simple opposant, il est le guindé politique, le lion de la politique sénégalaise. Ce surnom, qui lui est attribué par ses partisans, symbolise sa force, son courage et son rôle de protecteur face aux injustices. Sa voix est désormais incontournable dans le débat public. Fort de son score électoral et de son statut de député, Sonko utilise toutes les plateformes à sa disposition pour maintenir la pression sur le régime de Macky Sall. Il continue de dénoncer avec une constance et une pédagogie remarquables la gabegie, les conflits d'intérêts et les fragilités de la souveraineté nationale. Ses conférences de presse, ses sorties médiatiques et ses interventions à l'Assemblée nationale sont suivies avec une attention particulière par l'opinion publique. Il ne se contente pas de critiquer, il propose des alternatives concrètes, argumentées et chiffrées, renforçant sa crédibilité en tant que futur homme d'État. Cette approche proactive, combinée à son talent oratoire et à sa capacité à galvaniser les foules, fait de lui une menace sérieuse pour le pouvoir en place, qui perçoit son ascension comme une remise en question directe de sa légitimité et de ses intérêts. La confrontation était inévitable, elle ne tarderait pas à se manifester. *B. Les premières manœuvres du pouvoir, la stratégie d'étouffement *. L'ascension fulgurante d'Ousmane Sonko n'a pas laissé le régime de Macky Sall indifférent. Face à cette nouvelle force d'opposition, le pouvoir a commencé à déployer une stratégie d'étouffement, visant à neutraliser Sonko et son mouvement. Ces premières manœuvres ont pris plusieurs formes. D'abord, une tentative de ** délégitimation médiatique **, cherchant à le discréditer par des attaques personnelles, des accusations de populisme ou d'extrémisme. Les médias proches du pouvoir ont été mobilisés pour minimiser son impact et relativiser ses accusations. En parallèle, des ** pression judiciaire ** ont commencé à émerger, ciblant des proches de Sonko ou des figures du PASTEF. Ces actions, souvent présentées comme des poursuites pour des délits de droit commun, étaient perçues par l'opposition comme des tentatives d'intimidation et de déstabilisation politique. Le régime a également cherché à limiter l'espace d'expression de Sonko et de son parti en refusant parfois des autorisations de manifester ou en restreignant l'accès à certains espaces publics. L'objectif était de freiner la dynamique populaire du PASTEF et d'isoler son leader. Cependant, ces tentatives initiales n'ont eu qu'un effet limité. Loin d'éteindre la flamme, elles ont renforcé l'image d'Ousmane Sonko en tant que victime d'un système qui refuse la contestation démocratique. Chaque attaque du pouvoir était transformée par Sonko et ses partisans en une preuve de la justesse de leur combat, galvanisant davantage la jeunesse et les couches populaires. Cette période a ainsi posé les bases d'une confrontation politique de plus en plus tendue, qui allait atteindre son paroxysme dans les années suivantes. **Partie I, l'épreuve répression 2021-2024** Introduction, le Sénégal bascule dans la crise La période 2021 à 2024 restera gravée comme l'une des plus sombres de l'histoire politique contemporaine du Sénégal. Après des années de confrontation latente, le pays bascule dans une crise profonde, caractérisée par une répression d'une violence inédite, des atteintes graves aux libertés fondamentales et une polarisation politique extrême. Au cœur de cette tempête, Ousmane Sonko, devenu la principale figure d'opposition, est la cible d'une stratégie d'anéantissement orchestrée par le régime de Macky Sall. Les affaires judiciaires montées de toutes pièces, les interdictions de manifester, les arrestations massives et les morts d'hommes transforment le Sénégal en un champ de bataille politique, où la jeunesse, exaspérée par l'injustice et le manque de perspective, se dresse en rempart face à un pouvoir de plus en plus autoritaire. Cette partie détaillera l'escalade de la répression, la résistance acharnée du mouvement patriote, et le dénouement inattendu qui mènera à la victoire de 2024. L'affaire Hadji Sarr et l'embrasement du pays, 2021, Les accusations et la stratégie judiciaire du régime En février 2021, une affaire judiciaire éclate, qui va servir de catalyseur à l'embrasement du Sénégal et précipiter le pays dans une crise politique et sociale d'une rare intensité. Ousmane Sonko est accusé de viols répétés et de menaces de mort par Hadji Sarr, une masseuse employée dans un salon de beauté de Dakar. Immédiatement, cette affaire prend une tournure politique explosive. Pour les partisans d'Ousmane Sonko et une large partie de l'opinion, ces accusations sont perçues comme un complot d'État une machination politique, orchestrée par le régime de Macky Sall dans le but de neutraliser son principal opposant et de l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Le calendrier de l'affaire, sa médiatisation rapide et le zèle apparent de certains acteurs judiciaires et médiatiques renforcent cette conviction. L'objectif clair du régime, selon cette lecture, était d'utiliser l'arme judiciaire pour disqualifier Sonko, briser son image d'homme intègre et moral, et le rendre inéligible. Le dossier est truffé d'irrégularités et de zones d'ombre, alimentant le sentiment qu'il s'agit d'une tentative désespérée du pouvoir pour éliminer un adversaire de plus en plus populaire. Les partisans de Sonko dénoncent une instrumentalisation de la justice et une utilisation cynique d'accusations graves pour des fins politiques, transformant une affaire de mœurs en une véritable affaire d'État. Cette stratégie judiciaire, loin d'affaiblir Sonko aux yeux de ses soutiens, va au contraire galvaniser sa base, persuadée de la justesse de son combat face à un pouvoir prêt à tout pour le faire taire. **B. Les premières vagues de violence et la réponse populaire L'inculpation d'Ousmane Sonko et sa convocation devant la justice en mars 2021 agissent comme une étincelle sur une poudrière. La jeunesse sénégalaise, déjà frustrée par le chômage, la pauvreté et le sentiment d'être marginalisé par l'élite politique, descend massivement dans la rue. Ce ne sont pas de simples manifestants, mais une jeunesse déchaînée, en colère, qui voit en Sonko non seulement un leader politique, mais aussi le symbole de leur propre combat contre l'injustice et l'arbitraire. Les premières vagues de manifestations, principalement à Dakar et dans les grandes villes comme Bourg, Thiès ou Ziguinchor, sont d'une violence inouïe. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont d'une intensité rare, barricades enflammées, jets de pierres et de cocktails Molotov d'un côté, gaz lacrymogène, balles en caoutchoué, de manière choquante, tirs à balles réelles de l'autre. Le pays bascule dans un cycle de violence qui fait plusieurs morts et des centaines de blessés, marquant une rupture profonde avec la tradition de dialogue politique sénégalais. Ces événements tragiques révèlent l'ampleur de la colère populaire et la détermination des manifestants à défendre leur leader, perçu comme une victime du système. Ils dénoncent non seulement la machination contre Sonko, mais aussi et surtout le troisième mandat de Macky Sall, l'injustice sociale et la dérive autoritaire du régime. Le pouvoir répond par une répression féroce, tentant d'étouffer le mouvement par la force, mais ne réussit qu'à alimenter davantage la colère et à consolider l'image de Sonko comme un martyr de la démocratie. Les événements de mars 2021 marquent le début d'une ère de confrontation ouverte et violente qui allait durer plusieurs années. *2 L'escalade de la répression et la résistance, 2022 à 2023, *. Le troisième mandat et la volonté d'étouffement, Après l'embrasement de 2021, la tension politique au Sénégal ne fait que s'intensifier. L'année 2022 et le début de l'année 2023 sont marqués par une atmosphère de plus en plus lourde, dominée par la question brûlante d'un potentiel troisième mandat du président Macky Sall. Malgré les limites constitutionnelles et les avertissements de l'opposition et de la société civile, le silence ambigu du président et les manœuvres de son parti, l'APR, sont perçus comme une volonté de passer outre la volonté populaire et la loi fondamentale. Cette perspective ravive la colère et la méfiance, en particulier parmi la jeunesse qui y voit un déni de démocratie. Dans ce contexte, la stratégie du régime pour étouffer toute opposition, et particulièrement celle incarnée par Ousmane Sonko, s'intensifie. La justice est de plus en plus instrumentalisée. Les procédures judiciaires contre Sonko, dont l'affaire Adjissar, sont relancées ou accélérées, avec des jugements parfois expéditifs et contestés. L'objectif est clair, le rendre inéligible pour la présidentielle de 2024. Le principe de la séparation des pouvoirs semble de plus en plus bafoué, renforçant le sentiment d'un état de droit fragilisé. Le pouvoir ne se contente pas des attaques judiciaires. Il multiplie les interdictions de manifestation les rassemblements de l'opposition sont systématiquement interdits ou dispersés brutalement. Les libertés d'expression et de réunion sont gravement menacées, créant un climat de peur et de restriction des droits civiques. La machine d'étouffement du régime vise à museler toute voix dissidente, à affaiblir les mouvements de contestation et à dépolitiser l'espace public afin de préparer le terrain pour la prochaine échéance électorale dans un environnement contrôlé. *B. La teranga à l'épreuve, violence et atteinte aux libertés La répression durant la période 2022 à 2023 atteint des niveaux sans précédent, mettant à l'épreuve la réputation du Sénégal comme terre de teranga, hospitalité et tolérance. Les manifestations, lorsqu'elles parviennent à se tenir ou qu'elles éclatent spontanément, sont confrontées à une violence étatique systématique et disproportionnée. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se multiplient, avec un usage des gaz lacrymogènes devenu quasi quotidien dans certains quartiers. Des armes moins létales, mais non moins dangereuses, sont utilisées, et de nombreux témoignages et rapports d'organisations de défense des droits humains font état de tirs à balles réelles ayant causé la mort de civils. Le bilan humain est lourd, des dizaines de morts, des centaines de blessés, dont certains grièvement. L'appareil répressif va au-delà de la force physique. On assiste à une vague d'arrestations massives et d'incarcérations arbitraires ciblant des militants du PASTEF, des leaders de la société civile, des journalistes et de simples citoyens ayant exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Les prisons se remplissent de détenus politiques, et les procédures judiciaires à leur encontre sont souvent longues, opaque et jugé inique. La liberté de la presse est également attaquée, avec des coupures de signaux de télévision et radio jugées trop critiques, et l'arrestation de journalistes. Ces atteintes aux libertés, à la dignité et à la vie humaine marquent une rupture profonde avec les principes démocratiques. Le Sénégal, qui se targuait d'être un état de droit, voit ses fondements ébranlés par une répression qui vise à briser toute forme de contestation et à maintenir le pouvoir en place coûte que coûte. Encadré thématique, la coupure d'Internet, une arme numérique au service de la répression et une violation des droits. Durant les années de Brest 2021 à 2023, le régime sénégalais de Macky Sall a non seulement eu recours à la force physique contre les manifestants, mais a également utilisé une arme plus insidieuse, la coupure d'Internet. Cette stratégie numérique, devenue monnaie courante dans de nombreux régimes autoritaires à travers le monde, visait à étouffer la contestation et à contrôler le récit des événements. Pourquoi l'Internet a-t-il été coupé? Les motivations derrière ces coupures étaient multiples et stratégiques. 1. Paralyser l'organisation des manifestants, Internet, et notamment les applications de messagerie, WhatsApp, Telegram, et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter X, TikTok, étaient le principal outil de coordination pour les militants du PASTEF et la jeunesse mobilisée. Couper l'accès permettait de désorganiser les rassemblements, de limiter la diffusion des points de rendez-vous et de ralentir la réaction face au déploiement des forces de l'ordre. 2. Contrôler la narration et prévenir la diffusion de preuves. Les smartphones sont devenus des outils de reportage citoyen. Les manifestants filmaient en direct les brutalités policières, les zones de confrontation, les barricades et les blessés. Ces images, diffusées à grande échelle, mettaient en lumière la violence de la répression et servaient de preuve contre les abus. En coupant Internet, le régime cherchait à limiter la circulation de ces images, à éviter qu'elles ne deviennent virales et à empêcher la formation d'un contre-récit à la version officielle des événements. 3. Isoler le pays et la diaspora. La diaspora sénégalaise, très active, s'est mobilisée massivement via les réseaux sociaux pour alerter l'opinion internationale. Les coupures avaient aussi pour objectif d'isoler le Sénégal, de limiter l'information sortante et de réduire la pression que la diaspora pouvait exercer depuis l'étranger. 4. Instaurer un climat de peur et d'incertitude. L'accès à l'information est un besoin fondamental. En le coupant, le régime créait un sentiment d'isolement, d'anxiété et de confusion, rendant difficile la vérification des rumeurs et affaiblissant le moral des citoyens. Une violation des droits fondamentaux. Ces coupures d'Internet ne sont pas de simples désagréments techniques, elles constituent une violation flagrante des droits humains fondamentaux reconnue par le droit international. L'ONU, à travers plusieurs résolutions du Conseil des droits de l'homme, a maintes fois affirmé que l'accès à Internet est un droit de l'homme et que les mesures visant à bloquer ou à restreindre l'accès à l'information en ligne sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme. Plus spécifiquement, elles violent droit à la liberté d'expression article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.